Voici l'humeur de Guillermo Guin. Merci. Ernesto. Bonjour les amis. Salut. Ah, vous me connaissez, je parle jamais de ma vie personnelle dans cette émission. T'en as pas. La pudeur, c'est comme ça. Contrairement à Nagui d'ailleurs, qui même quand il interviewe ses invités, en réalité s'interviewe lui-même, évidemment. Le CSN n'est pas dupe. Mais là, quand il vous demande si vous êtes mal dans votre peau, vous croyez qu'il parle de qui finalement? Et bah ouais. Du coup, revenons à ma vie qui est quand même ce que je maîtrise le mieux avec la cuisson des pappardelles. Eh bien, figurez-vous que mardi soir, j'ai fait partie d'un jury, d'un concours d'éloquence. Oui. À la demande de Florence Foresti. Eh ouais, mon pote. Quoi? C'est vous, voyez, moi. Je sais parce que c'est vous, parce que je reçois déjà des tas de messages, de lettres et tout, d'auditrices et d'auditeurs d'Inter qui m'encouragent gentiment, qui me disent Ernesto, par pitié, trouve la force, surprends-nous, démissionne. Hein, on n'en peut plus de ta mère quitte la France, au minimum, arrête d'être sur Internet en même temps que nous, etc. Et souvent, c'est vrai que. Oh. Je pense à me jeter dans un puits d'hydrocarbures avec une mixtape de Patrick Topalov. C'est vrai, mais n'empêche que moi, Florence Foresti en personne, me veut dans un concours. C'est un jury d'éloquence. Ouais. Ce qui, par parenthèse, pose la question de la santé mentale de l'humoriste préféré des Français, quand même. Quand on sait que je suis plus ou moins à l'éloquence, parce que Leïla Kadour Boudadi est à l'eau plate. Enfin, je veux dire, on se connaît, mais on se fréquente pas beaucoup, quoi, vraiment. Jurer dans un concours d'éloquence, sérieux, il y a des morses qui sont plus éloquents que moi. Et encore, il reste des milliers d'espèces marines à découvrir. Bon, dans le tas, il y aura sûrement une sorte de poulpe chelou avec des abysses, là, qui pourra terminer ne fût-ce qu'une chronique sans fourcher toutes les deux respirations, comme moi, vraiment. Il était surréaliste, ce jury. Catherine Pancol, Lisa Asuelos, le procureur de la République, Lufremio, Guillermo Guise. What the fuck? À tout moment, je m'attendais à ce que Laurence Boccolini arrive et me fasse « Vous êtes le maillon faible ». C'est vrai. Je me sentais pas légitime à juger qui que ce soit. C'est comme si dans le jury de The Voice, t'avais genre Matt Pokora, tu vois. Ce serait bizarre quand même, non? Ça serait bizarre, hein. Mais bon, ça se passait à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Et c'était une initiative de la plateforme Women Save qui tournait autour de la thématique des violences faites aux femmes. Donc je me voyais difficilement snobber cette invitation parce que j'ai toujours rêvé d'aller à Saint-Germain-en-Laye. Et c'est vrai, et on m'avait dit « Tu verras, c'est bucolique, et t'es aux heures de pointe, c'est à moins de 6 heures de Paris, tout c'est vraiment bien, etc. » Mais moi, tout ce que je savais de Saint-Germain-en-Laye, c'est que c'est là que le PSG paie à son âme, que Dieu lui pardonne, que le Seigneur lui accorde au moins une demi-finale de Champions League. À son camp d'entraînement, c'est vraiment là. Mais donc, il y a aussi une section Sciences Po, si vous voulez, à Saint-Germain-en-Laye. Et mardi, les étudiants avaient 4 minutes chacun pour défendre des positions sur Balance ton port, le harcèlement, le consentement, etc. Bon, c'était essentiellement des thèmes de filles et tout, mais. Il n'y avait rien sur la cosmétique ou sur les brosses à cheveux ou les sacs et des trucs comme ça. Je veux dire, ça restait intelligible pour les garçons et tout. Et. C'est pour ça que je ne devrais pas être dans un jury. Pareil, c'est vrai, non seulement je m'exprime comme un footballeur aphasique, mais en plus, j'aime bien les blagues de bistrot. Quoi. C'est vrai, moi, Daniel Morin, il me fait rire. Quoi. Vraiment, je ne dis pas souvent du bien de lui, parce que je ne veux pas qu'il soit encore plus arrogant, mais j'ai une chance de dire, lui et moi, on va finir texifié, c'est sûr et certain. Quoi. Mais je regrette pas l'expérience, parce que déjà, ça me permet de parler de Women Safe dans une émission qui touche quand même plus de 160 000 auditeurs. Et là, il y a Elsa et Franck qui disent, putain, Nagui nous a menti. Si peu. Ouais, bienvenue dans notre quotidien, les gars, c'est comme ça. Mais je regrette pas l'expérience. J'avais vraiment l'élite politique de demain qui était là. Parfois, t'avais l'impression de voir le JT de 2035 avec une espèce de bébé Michel Sapin comme ça, qui était déjà programmé pour nous lâcher des trucs genre les Français veulent qu'on leur dise la vérité sur les chouquettes. Enfin, tu vois, t'avais envie que. Regarde ton innocence, mon ami, tu vois, encore un peu. T'as le temps de fumer de l'alcool, etc. Et t'as encore un peu de temps avant de vendre ta camelote comme un garagiste. Mais finalement, c'est vraiment une jeune femme de 18 ans, Johanna Devarieux, qui a remporté le tournoi en défendant brillamment l'idée que les hommes devraient rester à l'écart de la lutte pour l'égalité des sexes. Et moi, je vais rester à l'écart de cette chronique. Allez, bonne émission, les amis. Merci.